en médical en disant que 2 mois, je peux pas fonctionner. C'est un plan santé. Bon, ça ne vous empêche pas de fonctionner dans 2 mois. Non, non. Ça ne vous empêche pas de fonctionner sans job. Ben, c'est parce que c'est contradictoire. Ouais. Un est dans le Nord, puis il travaille à Montréal. Ça ne vous empêche pas de revenir à Montréal. Vous savez jamais ce que vous allez faire. Si vous saviez ce que vous allez faire, si vous étiez planifié ce que vous allez faire, si vous saviez ce que vous allez faire, c'est une autre situation. Mais il dit que ce n'est pas important ce côté-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que de jamais perdre de vue quand vos corps sont ajustés, parce que moi, je sais comment ça s'ajuste vos corps. Vos corps ne s'ajustent jamais quand vous êtes au rythme cardinal. Il s'ajuste toujours quand vous êtes à l'extérieur. C'est là que vos corps s'ajustent. Pas quand vous êtes au rythme, c'est en haut, vous êtes à l'extérieur. Vos corps s'ajustent tout le temps quand vous perdez vos enfants, quand vous avez des maladies, quand vous avez des souffrances, quand vous avez des... C'est toujours là qu'il va se passer. Parce que c'est là que la confrontation entre les groupes de l'humain se passe. C'est là que la fusion entre les groupes de l'humain se passe. C'est là que le mental supérieur domine le mental intérieur. C'est là que domine l'homme de Béveux. C'est là que l'homme s'être paniqué. C'est là que l'homme en arrive à développer la volonté. C'est là que l'homme en arrive à être centré. C'est là que l'homme en arrive à prendre la vie par les gommes, puis faire ce qu'il veut avec la vie et non pas se faire faire par la vie ce qu'elle veut être. Ça, je vous dis, ce qui est important, c'est de toujours descendre la vibration sur le plan le plus bas. Le plan le plus bas, c'est la petite job, la maison, bien le reste. Quand la petite job de la maison de la nature, tu commences à comprendre bien les affaires, c'est moins pire. Mais si tu as cette maudite vibration-là, tu n'as pas de petite job, tu n'as pas de nourriture, tu n'as pas de maison, là, tu vas souffrir un maudit foot parce que là, tu vas être plus d'aller voir quelqu'un, vivre chez quelqu'un, faire nourrir par quelqu'un, faire un petit... Ça marche pas loin. La belle-mère ou des amis, non. Au lieu d'être indépendant, puis... Je vous le dis, vous allez tout comprendre que j'ai raison. Même si ça fait 2 ans, vous allez tout voir que c'est le même. Petit job, le loyer, la nourriture. Ça, c'est plus important que toutes les connaissances des talents. C'est tout ça. Mais de toute façon, comme tu le sais, il te ferme les portes. Oui. Avec tes chums. Donc, tu n'as même pas envie d'y aller. Mmh. Il peut fermer les portes. Il peut faire tout ça. Ce qui est important pour vous autres, c'est de jamais vous faire prendre des clés de verre. Moi, je m'ai fait prendre des clés de verre parce que je suis fusionné, j'ai pas de choix, mais c'est là que j'apprends ce que j'ai à vous dire. C'est pas mon petit cadeau. Ça, je vous pensais toujours à vous protéger matériellement. Occupez-vous pas de données matérielles. Occupez-vous du matériel. Matériellement. Mes petits jobs, j'appelle ça petit job. La maison, je ne le dis. Parce qu'il vient un point que quand vous êtes dans la vibration, là, le monde, là, ça ne t'intéresse plus comme avant. Alors, ce qui devient important dans ta vie, c'est que tu puisses manger par ta nourriture, ta maison, ta petite job. Après ça, le reste, parce qu'on vit de plus en plus en esprit, on vit tout en dedans, puis éventuellement, tu viens quand dedans. Tu vis plus en dehors. En dehors, c'est l'expression matérielle de ce qui est en dedans. Mais si vous n'avez pas le dehors, parce que vous êtes parti d'une brume, là, parce que vous êtes parti sur une vibration, ils vont faire un mot du tour de chemin, c'est pour ça que je vous explique. Si vous allez à Saint-Adèle, arrangez-vous, vous trouvez un petit job, s'il vous plaît. Mais c'est la vendeuse, vendez votre même pas. Trouvez un petit job. Après un petit job, la petite chambre. Après un petit chambre, là, tu peux manger. Tenez les vêtements. Là, les changements continus, l'acquisition s'éclaircit, mais tu as les éléments essentiels pour continuer la progression dans le changement de la vie. Sans ça, c'est insupportable. Ça veut dire que si tu es capable d'assumer un loyer pour commencer, tu sais, si tu peux l'assumer. Vous devez assumer un loyer pour commencer. Non, mais c'est ça que je te dis. Ouais. Après ça, tu peux chercher ta job. Je te dis, c'est une question. Tu fais l'argent pour acheter un loyer. Ouais. D'accord. Okay. Assumer un des autres. Ouais. Un des deux, je ça. Mais les deux vont bien brancher les autres. Pas trop de semaines de différence entre les deux. C'est ça, je me dis tout le temps, protégez-vous, toujours vous protégez-vous. Parce que moi, je sais comment ça va faire pour les forces. Il y en a qui commencent à les sentir. Là. Tout le monde va les sentir. On reste à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout le monde est en vie. C'est comme je disais, on devient tout croche, on n'a pas le choix. C'est ça. Vous devenez tout croche, mais c'est un croche qui est droit. Oui. J'essaie d'être proche de vous autres pour pouvoir vous faire comprendre les petits détails. Les petits détails. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas assez souffert pour les voir, les petits détails. Oui, je l'ai souffert. Je peux vous les faire voir, les petits détails. C'est, je vous le dis, c'est jamais quand ça va bien, quand ça va bien. Vous ne savez jamais quand elle travaille mal. C'est là, là. Que ces choses-là, il faut qu'elles soient sues et comprises. Ça ne justifie pas, quand je vous dis, c'est un petit job de loyer ou de vêtements. Tu l'as dit. Ouais, c'est sûr, pas fait de malin, parce que les rues, ils peuvent faire tout ça. Moi, je sais, ils m'ont envoyé dans le rue. Parce qu'ils m'ont investi dans le rue, t'as rendu dans le rue, il y a Mexico, Charlie. Hey, il y a un maudit bout. C'est loin. J'étais content d'avoir ici, d'avoir un steak. Puis comme je parle toujours pour demain, tu sais, demain, ça prend pas gros, Charlie. T'as vu, tu frappes ton chum, ton mari, ton enfant, ou un accident, ou... Simplement un changement de vibration. Ils n'ont pas osé passer par des éléments de même. Ils peuvent même changer de vibration. Puis quand ils commencent à rentrer, à ce moment que vous avez la référence, ils rentrent. Ils rentrent pas trop vite. Au moins, ils rentrent dans le monde. Éventuellement, vous allez être bien parce qu'éventuellement, vous allez totalement centré. Vous allez totalement, vous allez fonctionner totalement intervenant. La vie doit être vécue vibratoirement, jamais psychologiquement. Tout le temps vibratoirement. Les gens sont malheureux parce qu'ils fonctionnent psychologiquement. Quand elle est poignée avec des formes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, puis elle essaie de voir le chat. Il change de vibration, éventuellement, oui. En tant qu'à pas qu'à 5 ans. Pour faire laisser les trous, des temps de haut, des formes, ça va être pas. Sans ça, il s'est rougi d'air. Il a fusionné, puis là, il n'y avait plus de forme, mais je veux, c'est l'autre fenêtre. Mais en même temps, ils sont fourrés, ils sont pas capables de. Ça va partir de la destruction des illusions des gens qui se conscientisent, des gens qui le font. Vous le dites, vous le dévotez. Attendez-vous jamais des miracles. Deux autres. Attendez-vous jamais des miracles. Vous n'êtes pas de votre sens à vie. C'est la spiritualité. Quand vous allez, quand ça sera arrivé, le temps, ça, du contrôle de l'esprit sur le corps matériel, ça sera un autre dommage. Vous allez être tellement conscient dans ce temps-là que vous ne pensez même plus à ça. Mais tu sais, à ce temps-là, faites-vous pas prendre dans la trappe des miracles. Allez voir les médecins, allez voir les. Allez voir n'importe qui vous aider. Donc, du moins, c'est des gens qui sont conscients, assez conscients ou plus conscients. Je ne suis pas conscient, mais conscients. Il y a des médecins du monde qui ont du bon sens, il y a des avocats qui ont du bon sens, mais du monde qui a du bon sens. Il ne faut pas dénigrer. Les gens spirituels ont tendance à dénigrer la société, ont tendance à dénigrer les professeurs, les psychologues, les médecins, les... Il ne faut pas dénigrer. C'est des gens qui cherchent. Du grand monde, cherchent. Ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas conscients. Si la conscience peut être changée à l'autre, ça, ils ne peuvent plus faire de médecine. Parce que chacun ça. Fait que si vous avez des enfants qui sont malades, envoyez-les au médecin. Attendez pas les miracles. À moins d'avoir vous-même une réponse, puis encore. Moi, je suis fusionné, puis j'ai la misère à guérir ma fille. Ça prend tout. C'est parce que c'est pas père, que ça marche sans ça. De même que mon, l'extérieur où je peux aller, le cercle où je peux aller, là, il est restreint. Okay, c'est pas un miracle, c'est un fait. C'est lui qui le dit. Ils sont pas forcément miracles parce que notre ego doit être totalement décontaminé. Notre ego doit être au niveau du mental, fusionné avec le mental supérieur qui est le mien. Fais-nous pas prendre des illusions spirituelles. Foi du bon Dieu. Je passe assez de temps et assez d'énergie pour les défaire. C'est pas ces illusions. Ils sont puissants. Organisez-vous pour toujours vous protéger matériellement. Surtout quand la fusion commence au niveau du mental et vous sentez ça, je lis. Quand vous êtes prêt à penser une pensée, même si c'est. Il y a un sujet que je veux commencer à développer. D'ailleurs, je vais en parler dimanche. C'est bien important. L'homme occulte, quand je parle de l'homme occulte, je parle de l'homme qui se conscientise dans le cœur. L'homme occulte et la femme occulte, c'est deux moineaux différents. Une femme occulte et un homme occulte, c'est pas pareil. Ça fonctionne pas pareil. Un homme occulte, en général, il y a beaucoup d'ego dans sa vision interne des choses. Nice. L'homme occulte a l'impression qu'il en sait plus ou qu'il comprend plus que ça. Ça fait partie de l'illusion de l'ego mental de l'homme. Ça fait partie de la nature de l'homme. Ça fait partie de la masculinité de l'homme. Ça fait partie de la personnalité de l'homme. L'homme, il pense qu'il est au bout du bout. Puis ce que l'homme ne réalise pas, c'est que dans l'évolution de la sixième race, c'est pas l'homme qui est au bout du bout, c'est la femme. C'est la femme dans la fusion

Je sais, ils me l'ont dit. Comment ça prendra 20 ans? Si un homme est trop égocentrique, puis sa femme n'est pas capable, parce qu'en général, la femme pose sa force physique, puis son engueulade, elle n'a pas l'emprise de personnalité. Moi, puis souvent, elle passe dans un petit trou. Je vous garantis que s'il n'y a pas d'équilibre entre votre femme et vous autres, dans le temps, il va y avoir éventuellement une séparation parce que les vibrations vont être trop fortes. Là, les vibrations ne sont pas fortes, donc vous êtes capable de vous balancer, de vous rythmer dans votre personnalité, vous appelez de tout temps en temps, puis vous l'enlevez de temps en temps. Éventuellement, vous ne pourrez plus. L'union des sexes doit être totale, puis elle doit être, l'union doit être établie dans le supramental. Moi, je sais ce qu'ils ont fait avec ma femme. Ils ont amené ma femme dans l'initiation à un point à coup, à faire me combattre. Me combattre. À me sacrer de voler un jour. Là, j'ai dit, bon, j'ai fini. Quand ma femme a été capable de me sacrer un coup de poing parce que sa vibration était tellement forte et qu'elle se frottait, là, j'étais content parce que là, je savais qu'elle l'avait à l'affaire. Je vous dis, je ferme ma gueule. Si elle dit c'est ça, parce qu'elle a raison. Elle est ajustée mentalement, c'est le même que ça marche. Fait que moi et ma femme, on est un dans ça. Fait qu'on est bien. C'est le même aux enfants. Mais ça, il faudrait me faire, moi, le long fait vivre dimanche, il y a 15 jours. Hein. Je comprenais pas. J'ai pas mis deux gars en même temps. Physiquement, ça se peut pas. Tu trouves la grosseur que j'ai. Ouais. Deux adolescents qui auraient dû me manger. Puis, ils ont assez peur qu'à un moment donné, on a dit, je savais pas où j'allais. Puis là, ça a dit mon nom. Ça a dit, bon, c'est celui-là. Mais ça, ici, ça s'est ouvert. J'ai pensé que j'allais mourir. Ouais. Le cœur, je me sortais de là. Vous autres, vous êtes encore au stage, vous pensez en termes de femmes et d'hommes. Mais un jour, vous ne pensez plus en termes d'hommes et de femmes. Puis quand va venir le jour où vous ne pensez plus en termes d'hommes et d'homme, de femmes, ça va être proche. L'ouverture de ça aussi. Vous, vous avez accepté un coin de votre femme, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en accepteraient, je pense. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est parce que je t'ai conscientisé. Je savais ce qui se passait. Quand elle a sacré un coup de poing, c'est parce qu'elle était au bout de la corde, puis c'était le temps d'arrêter. Mais elle était capable. Sans ça, elle a arrêté toute sa vie. Avec un chien. Comme tout. Quel équilibre. Le karma de l'homme contre la femme est extrêmement grand. Le karma mondial de l'homme contre la femme, l'homme a un très gros karma à payer, puis il va le payer parce que les femmes se séparent de l'homme. C'est là que l'homme va parler son karma, parce que les femmes aujourd'hui sont devenues indépendantes. C'est pas correct. Avant, les femmes c'était des petits chiens, des petits toutous. Mais à ce temps, les femmes changent. Seulement, les femmes sont inconscientes dans la société. Mais ça fait partie du karma mondial que l'homme doit payer. Mais au niveau de l'initiation solaire, c'est le même jeu qui se produit. Il doit y avoir l'équilibre des deux esprits dans deux corps différents. Parce que, puis ils ne voudront pas ça. Je le sais qu'ils ne voudront pas ça. Parce que c'est pas notre vie sur le plan matériel qui les intéresse, là, c'est notre vie après le contact au niveau du supramental et l'ouverture de l'éther. Donc le plan matériel, c'est simplement pour la préparation des corps. On est dans le four, nous autres, puis le pain, il se fait, puis il se tasse, puis il se tasse, puis il se tasse. Éventuellement, t'en arrives à vivre une vie très, très consciente, même sur le plan matériel, éventuellement, quand c'est le temps au niveau des événements de la planète, toute la toute la bébelle, à ce moment-là, il y a une autre ouverture de conscience qui se fait. Mais, faut qu'il y ait un équilibre entre l'homme et la femme. Peux-tu juste nous faire entrevoir c'est quoi que tu veux dire quand tu dis vous êtes encore au niveau de l'homme et de la femme, en termes de mots? Quand je dis vous êtes encore au niveau de l'homme et de la femme, c'est que vous vivez encore au niveau de vos personnalités mâles et femelles. Ouais, mais quand on commence à en sortir... Quand tu commences à en sortir à ce moment-là... Pourquoi tu parles? Parce qu'il t'a pas le mot. C'est ça. Quand tu commences à en sortir à ce moment-là, tu commences à voir différent. À ce moment-là, faut que tu fermes ta gueule dans un sens si tu veux pas tout chorer autour de toi. Il y a une affaire, c'est bien futile. Ça dépend de chaque famille, chaque union. Mm-hmm. Il n'y a pas un pas pareil, c'est pas que j'en parle pas. Mais la vibration, éventuellement, attaque la situation. Et c'est la vibration qui rend le show, éventuellement. Suis la personnalité. Tu sais, quand ça te passe dans le corps, tu tasses les deux gars, c'est la vibration qui passe. Tu tasses les deux gars, puis après ça, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, ma foi du bon Dieu. T'sais, en passant à la vibration, tes sens s'ouvrent, puis ton esprit se demande si. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Puis, tu sais, il s'en parle de l'affaire. Mais moi, depuis que tu es là, depuis un an, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de gros problèmes, tu sais. Mm-hmm. Mais avant, tu vois,